jusqu'à la porte de son séjour. Puis toute la musique militaire monte à lui dire un si bonjour. Fermier qui va sur la grosse caisse, présente à Jean Pancharty au moment de faire son livret. La surprenait, savez-vous qui? Sa propre femme qui avait dit un nom de bon de prix perdu. La petite qui avait du caractère à son époux très irrité jura par la croix de sa mère qu'elle n'avait pas démérité. Il l'a cruisé dans son livret, lui pardonna sur ses canons la peau d'âne de la croquette. Lui témoin de leur recommandement. Il fut si tendre qu'il arriva que toute la peau d'un autre vin. Que la patrie